Closing. yourselves. Oh, Get my me, there's no drones up in the sky. We can dance, we can sing. We can drive. Seulement nous avions le courage des oiseaux. Si seulement nous avions le courage des oiseaux, peut-être, qui sait ce qui nous passe en tête ?